Nandimie babenga masoba na bolingo mama temezo epo epona nango yo e ye bye eloko elingi motema tologeza makele la fumi na katazano sans effet. Un homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. Je t'aime. Mama ozawa pobondele langa bolingo nanga fani mbilo. Motema kilo bravo. Mefona salilo kalangu nga yazonu kabena makila na ebende. Fani na lingia sevisi mbanja sala motema nanga kamundele o. Aleli singa olokola ayoba pimele bibero e. Willy Bombito. Nga ye ye. Général de Fao, Didier Bokelo de l'Essaye. Qui dit que je suis fou? Oui, je suis fou de toi, Fanny et Bilo. Michel Michel la Suisse la popo kate ye ye ye papa la Ophélie papa na sopa na bolingo mama te na soya po e po na na moyo ye ye bye ye loko elingi mote mato lo pesa makele la fumi na katazano sans effet bolingo ya solo e loko elingi mote mae Emmanuel Isemia que le rebelle Roger Bush Bouchiri Matame kalebi maboko na ye pangusa kanga pisoni ye Oyanga moteme koyoka pasi bakolo ko deside okende Na nor ki vu Desere mwa moke na mona kali duswa kope me la sheri ye Spraya mwa na boato Etouffe mama kanisio Kaka presence na yo Eko de tendre gai Ayo Mokonzi Abadawa Pacifique o Pola li wapi ponga waponge poko santi miso nangai Miso nangai Remarque na sali ozo sara mokulu Uno kole kosi la lobi Jonsi Mayasi Ezate po sala baraja ika Nekura ya shoko Eko po mayote o Ata o draga ka esimba kakaka Komo nango explode o O malade zalie Babi Azelo Milano Kuna zola da ninye Oyonga fani na zangye Na mone la yo pasye Tango nanga ya pasye Keko kime mbe singa se kore rama L'explorateur Kilo bravo On ne change pas l'équipe qui gagne. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Le trois mousquetaires. Kilo bravo Pacifique Kasha Patrick Bacala Et le parent Justin Mouikiza. Sans effet. Ah ouais. Banango, hein. Plein de bonnes manières. Fanny Mbilou. Maman Naraya. Na Ayo. Tout chemin mène à Rome, dit-on. Le point final de mon chemin, Fanny